FrenchPod.com. Chut, ne fais pas de bruit. Oh, pardon. Là-bas, les feuilles ont bougé. Je crois qu'il y a un cerf. Chut, n'effraie pas la bête. Attends, mais ce cerf porte des vêtements. Arrêtez le massacre des animaux! Arrêtez le massacre des animaux! Arrêtez le massacre des animaux!